Faut-il que l'affaire suive son cours? Faut-il, le principal coupable visible étant mort, étouffer ce procès en faisant condamner le garde-magasin par contumace? Le procureur général consent à ce que les pièces vous soient transmises, et le baron d'Hervy étant domicilié à Paris, le procès sera du ressort de votre cour royale. Nous avons trouvé ce moyen, assez louche, de nous débarrasser momentanément de la difficulté. Seulement, mon cher maréchal, prenez un parti promptement. On parle déjà beaucoup trop de cette déplorable affaire, qui nous ferait autant de mal qu'elle en causera si la complicité du grand coupable, qui n'est encore connue que du procureur du roi, du juge d'instruction, du procureur général et de moi, venait à s'ébruiter. Là, ce papier tomba des mains du maréchal Hulot. Il regarda son frère, il vit qu'il était inutile de compulser le dossier, mais il chercha la lettre de Johann Fischer et la lui tendit après l'avoir lue en deux regards. « Mon neveu, quand vous lirez cette lettre, je n'existerai plus. Soyez tranquille, on ne trouvera pas de preuves contre vous. Moi, mort, votre jésuite de Chardin en fuite, le procès s'arrêtera. La figure de notre Adeline, si heureuse par vous, m'a rendu la mort très douce. Vous n'avez plus besoin d'envoyer les 200 000 francs. Adieu. Cette lettre vous sera remise par un détenu sur qui je crois pouvoir compter. Johann Fischer.